Voici, dans le prestige de la grande musique classique, la rencontre inopinée d'un poème de Paul Claudel sur une musique de Wagner qui sera bientôt jouée en première audition à Beyrouth, une très jolie mélodie de la quatrième cantate en sol bémol et fa dièse, en 3-4 mouvements, adagio et moderato. Le samedi, ma femme Germaine me dit tu vas prendre un bain. Ça fait bien plus de 8 semaines que tu t'es pas lavé les mains. Elle me prépare une tassine avec de l'eau chaude dedans. Et moi nu dans la cuisine, je lui chante en rigolant. Et v'lan, passe-moi l'éponge. Et v'lan, fais-moi guigui. Et v'lan, passe-moi l'éponge. Et v'lan, gosé, gosé. Alors ça n'a pas l'air de vous plaire, hein. Oh là là, tu parles d'une soirée. Voilà ce que c'est que tout, que de passer à Pleyel. Je voulais pas passer à Pleyel. Il y a un avantage dans la musique classique, c'est qu'on peut danser. Un, deux. Au service militaire, il fallait se laver les dents. Il fallait se laver le derrière, les oreilles et puis le restant. Il y avait de grandes marmites, tout ce qu'on mijotait dedans. Et moi qui avais de la réplique, je demandais à l'adjudant. Trois, quatre, et blanc. Passe-moi l'éponge, et v'lan, fais-moi guigui, et v'lan, passe-moi l'éponge, et v'lan, gousi gousi. Ah dis donc, ils n'ont pas le classique ici, hein. Ils sont gays comme des troncs d'arbres. Surtout qu'il y a Bernard Gabotier à la batterie, mince. Allez, vas-y Bernard, réveille-les. Un, deux. C'est la duchesse de Carlas où j'ai été invité. Il n'y avait pas de populace, rien que des célébrités. Le soir, on me donne une chambre avec des murs en papier. Et soudain, j'ai eu peur lorsque j'entends à côté. Qu'est-ce que j'entends, ma sœur? Yves Blanc, très bien. Yves Blanc, vas-y, yo-yo. Yves Blanc. Très bien, t'auras toujours 20 ans. Monsieur Chalamand, vous êtes ici? Oui, monsieur Fernand. Mademoiselle Lelambec. Oui, allez, gars. Et blanc, passe-moi l'éponge. Et blanc, fais-moi guigui. Allez, Bernard Gabetti. Et blanc, passe-moi l'éponge. Et blanc, guigui. Eh ben, mon pote, c'est pas demain que Paul Claudel, il sera lit de parade, hein.